Ecclésiaste chapitre 9. Certainement j'ai appliqué mon cœur à tout ceci, et pour éclaircir tout ceci, savoir, que les justes et les sages, et leurs faits, sont en la main de Dieu, mais les hommes ne connaissent ni l'amour ni la haine de tout ce qui est devant eux. Tout arrive également à tous, un même accident arrive aux justes et aux méchants, aux bons, aux nets et aux souillés, à celui qui sacrifie, et à celui qui ne sacrifie point. Le pécheur est comme l'homme de bien, celui qui jure, comme celui qui craint de jurer. C'est ici une chose fâcheuse entre toutes celles qui se font sous le soleil, qu'un même accident arrive à tous, et qu'aussi le cœur des hommes est plein de maux, et que des folies occupent leur cœur durant leur vie, et après cela ils vont vers les morts. Et qui est celui qui leur voudrait être associé? Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Certainement les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ne gagnent plus rien, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus aucune part au monde dans tout, ce qui se fait sous le soleil. Va donc, mange ton pain avec joie, et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Que tes vêtements soient blancs en tout temps, et que le parfum ne manque point sur ta tête. Vis joyeusement tous les jours de la vie de ta vanité avec la femme que tu as aimée, et qui t'a été donnée sous le soleil pour tous les jours de ta vanité, car c'est là ta portion dans cette vie, et ce qui te revient de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que tu auras moyen de faire, fais-le selon ton pouvoir, car au sépulcre où tu vas, il n'y a ni occupation, ni discours, ni science, ni sagesse. Je me suis tourné ailleurs, et j'ai vu sous le soleil, que la course n'est point au léger, ni au fort la bataille, ni au sage le pain, ni au prudent les richesses, ni la grâce au savant, mais que le temps et l'occasion, décident de ce qui arrive à tous. Car aussi l'homme même ne connaît point son temps, non plus que les poissons qui sont pris au filet, lequel est mauvais pour eux, et les oiseaux qui sont pris au lacet, car les hommes sont ainsi enlacés par le temps mauvais, lorsqu'ils tombent subitement sur eux. J'ai vu aussi cette sagesse sous le soleil, laquelle m'a semblé grande. C'est qu'il y avait une petite ville, et peu de gens dedans, contre laquelle est venu un grand roi, qui l'a investi, et qui a bâti de grands forts contre elle. Mais il s'est trouvé en elle un homme pauvre et sage, qui l'a délivré par sa sagesse, mais nul ne s'est souvenu de cet homme-là. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force, et cependant la sagesse de ce pauvre a été méprisée, et on n'entend point parler de lui. Les paroles des sages doivent être écoutées plus paisiblement que le cri de celui qui domine entre les fous. Mieux vaut la sagesse que tous les instruments de guerre, et un seul homme pécheur détruit un grand bien.